tout simplement, eh bien, nous sommes ensemble jusqu'à 16h avec l'émission de l'accordéon. Et puis, un petit merci pour Lionel et Jérôme pour l'émission. Et puis, ainsi, Antonio, de ce matin, à partir de 8h jusqu'à 10h. Donc, eh bien, un retour comme tous les dimanches avec l'accordéon pour vous faire plaisir avec toutes sortes de musique. Et dis donc, à l'instant, on a pu entendre un morceau de country. Et maintenant, je fais un petit tour du côté de l'Auvergne. Et puis, juste après, la valse. Le bassin fait du bien. sur Arc-en-Ciel. Et puis donc, après la valse, eh bien, voici le tango. Je sentis sur ta

Mais ce qu'elle préfère, c'est offrir des sucettes à la ville entière. Pour faire des affaires, ces petits brillants chaubeurs ont un succès croissant. C'est normal, elle adore gâter ses clients. Elle gagne bien sa croûte, la belle boulangère. En remuant la croupe, elle est millionnaire. Les jours les bougies qu'elle plante sur sa crème pâtissière lui font de bonnes ventes. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et voici Tarentelle.

ciel, les landes bretonnes, le soleil de Provence. Moi je veux chanter pour ma verte campagne, pour ce beau pays, pour ce pays de France. Oh, quelle est belle ma Charente, c'est un coin de paradis. Souvenir de mon enfance, des amours et des amis. Jolie dame de l'insouciance, et avec elle j'ai grandi. Oh, quelle est belle ma Charente, je l'aimerai jusqu'au bout de ma vie. Limousine ou même Saint-Angers, et de grands volants, d'Angoulême à Saldanque. Comme on est chez nous, on est tous bien bonnets, un peu différents, mais aussi bien ensemble. Oh, quelle est belle ma Charente, elle sait bien nous retenir. Quand on est bien en vacances, on ne veut plus repartir. Mais c'est une légende, quelle Irlande à s'offrir. Oh, quelle est belle ma Charente, et si tu l'aimes, elle te fera plaisir. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel. Voici le passe-double et suivi de la marche. Et puis là, on va à Mexico. danse, le passe Mexico va faire monter l'ambiance sous le ciel latino.

musique, la belle vie et l'amour. Toutes ces belles danses qui donnent le chaud au cœur. Une très belle ambiance, croyez-moi quel bonheur. C'est le grand retour du musette, du tango, du passo. C'est le grand retour des guinguettes, le dimanche au bord de l'eau. Venez, venez chanter musette, venez danser resto. Tous ensemble faisons la fête, profitons-en, il fait beau. Dansons cette belle romance, l'orchestre a commencé. Entrons tous dans la danse et on va bien s'amuser. L'âge n'a pas d'importance malgré toutes ces années. Pépé garde la cadence tout comme au temps passé. C'est le grand retour du musette, du tango, du passo. C'est le grand retour des guinguettes, le dimanche au bord de l'eau. Venez, venez chanter musette, venez danser rétro. Tous ensemble faisons la fête, profitons-en, il fait beau. Réchauffe les cœurs quand les gens de la danse arrivent de bonne heure. Une si belle ambiance nous met de bonne humeur. Musique de mes vacances avec une fleur au cœur. C'est le grand retour du musette, du tango, du passo. C'est le grand retour des guinguettes, le dimanche au bord de l'eau. Venez, venez chanter musette. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel. Et je vous laisse avec la guinguette issue de la marche.

chaque bal pour s'amuser. Filles et garçons, nous allons partager l'amitié. Allez, allez, danser, allez, allez, chanter. On va tous en profiter toute la journée. La musique démarre sur un rythme très endiablé. Un, deux, trois, quatre, on ne pourra jamais s'en passer. Allez, allez, danser, allez, allez, chanter. C'est parti, nous sommes entraînés dans cette danse. Season, je vous emmène du côté de la Charente et puis juste après la Java. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr.

Voilà donc cette musique qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver tout simplement et bien dimanche prochain. Mais aussi on se retrouve le mardi entre 13h30 jusqu'à 17h. Et puis ainsi le vendredi, toujours pareil à l'heure, entre 13h30 jusqu'à 17h. Voilà, donc on va terminer avec sur d'autres morceaux d'accordéon. Donc on va se retrouver dimanche prochain, 12h30 jusqu'à 16h. Donc bonsoir à tous et à vous toutes. de mãos postas a rezar, até me tremiam as carnes por os noutro lugar. Ainda por cima a chover, veja lá o meu azar. Quer das mágoas, sendo nós como a sardinha a voar por cima das águas. Grande e forte, quem deve chegamos já e de todos estive à morte. Siga a roda sem parar que a gente vai a voar. Oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo. Oh, é tão lindo. É sempre um prazer esperar por um abraço da Madeira e tudo de bom. Um abraço grande, que é o abraço de todos, de todo o mundo, com o abraço da Madeira, claro. É sempre um prazer escutar este programa. Abraço da Madeira. Ligamos a Madeira ao mundo e o mundo à Madeira. Não sei explicar o que sinto quando volto à terra natal, passando pelo bairro onde nasci, no mundo não tem igual. Lareira no quintal de minha mãe, ali está desde que eu parti. Voei pelo mundo fora, mas não esqueço quem deixei para trás. Podem passar 20 anos, mas para mim vai ser sempre igual. O brilho do céu sobre o mar, vem da terra que é Portugal. Pensar em vós, no peito carrego a saudade. Podem passar 20 anos, mas para mim vai ser sempre igual. O brilho do céu sobre o mar, vem da terra que é Portugal. Quero dizer a minha mãe que eu vou. somos todas iguais. E por aqui fica o Semana que Foi, Semana que Vem com Rita Roque. Notícias às três, depois começa a tarde desportiva com João Gomes Dias na coordenação. RTP Antena 1. RTP Antena 1, 3 da tarde, 2.